Chapitre 5. Le taxi. Ophélie avait longé les rails en courant à toutes jambes. Trempée de sueur, couverte d'égratignures et gênée par un point de côté, elle avait les poumons en feu. Après un pont et quelques rues, la voie ferrée bifurquait. Quel aiguillage avait emprunté le tramway? Par où était-il parti? Elle tourna son regard dans tous les sens à la recherche d'une indication. Il n'y avait que des citadins, des omnibus, des pousse-pousses, des bicyclettes, des animaux et des automates qui circulaient dans un capharnaüm étourdissant. Lorsqu'elle releva ses lunettes, Ophélie fut prise de vertige. Le quartier entier était conçu comme un escalier colossal dont chaque marche accueillait une nouvelle rue envahie par la foule et les jardins. Malgré l'effervescence, Ophélie se sentait seule comme jamais. Comment allait-elle retrouver son écharpe? Comment arriverait-elle jusqu'à Thorne? Comment avait-elle pu croire un instant qu'elle était prête à se lancer seule dans une telle expédition? La tante Roselyne, Archibald, Gaël et Renard lui avaient tous recommandé d'attendre un peu avant de se précipiter, mais elle n'avait écouté que son impatience. « S'il vous plaît, » apostropha-t-elle un pousse-pousse, « je cherche le tramway qui vient du marché. » Elle s'était adressée au conducteur, mais elle s'aperçut, quand il baissa vers elle une tête sans visage, qu'il s'agissait d'un mannequin. Sa passagère, qui somnolait sous l'auvent du véhicule, répondit à sa place d'une voix endormie. « Vous devriez poser vos questions à un guide, jeune fille. »« Un guide ?» La passagère entr'ouvrit une paupière et son nez bombé, où étincelait un anneau, aspira soudain l'air comme si elle essayait de flairer Ophélie à distance. « Un guide public de signalisation. Vous en trouverez un à chaque carrefour. Et comme vous n'êtes visiblement pas d'ici, je me permets un conseil. Habillez-vous convenablement. » Ophélie regarda le pousse-pousse s'éloigner. Sa petite robe grise n'était pas de la première fraîcheur, soit, mais ce n'était pas non plus comme si elle se promenait nue. Elle aperçut au milieu du carrefour une grande statue automate dont les huit bras pointaient dans différentes directions. Ce devait être ça, le guide public de signalisation. « Le dépôt des tramways ?» lui demanda Ophélie. Comme elle n'obtenait pas de réponse, elle remarqua un remontoir semblable à celui d'une boîte à musique incorporée dans le socle de la statue. Elle libéra le mécanisme envahi par les plantes et le tourna plusieurs fois. « Posez-moi une question !» déclara la statue. « Le terminus du tramway du marché ?» La chance sourit aux audacieux. Les objets perdus? Une bonne journée commence par une bonne nuit. La 22e exposition interfamiliale. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Merci quand même. Ophélie s'adossa au socle de la statue, découragée. Ses seules possessions étaient désormais la montre de Thorne et la vieille carte postale. Elle n'avait plus ni papier d'identité, ni affaire de rechange. Et sa pauvre écharpe se retrouvait livrée à elle-même dans cette ville incompréhensible. « Et si quelqu'un trouvait le sac ?» se demanda Ophélie en frottant furieusement ses paupières. « Et si ce quelqu'un le remettait à la garde familiale de Pollux ? Et si Dieu apprenait qu'une écharpe animée avait été localisée sur Babel ?» À peine venait-elle d'arriver qu'Ophélie avait l'impression d'avoir déjà compromis toutes ses chances. Si j'en juge par votre réaction, l'expérience a été plutôt décevante. Elle remit ses lunettes en place, tout étonnée d'entendre une voix humaine lui adresser la parole. Un adolescent se tenait assis, juste en face d'elle, accoudé à un fauteuil de bois sculpté, à l'abri d'une grande ombrelle. La blancheur éclatante de ses habits faisait ressortir le bronze de sa peau. Il émanait de lui une étrangeté qu'Ophélie eut du mal à définir. En vérité, il aurait paru davantage à sa place dans un salon de thé qu'au milieu de la voie publique. Il observait Ophélie avec une telle curiosité qu'il n'accordait aucune attention au torrent de citadins autour de lui. « Le guide public de signalisation, » finit-il par expliquer en désignant la statue automate. « Vous devez lui donner l'adresse exacte de votre destination, sinon il ne vous comprendra pas. Et sans vouloir vous offenser, miss, je crois que votre accent est un peu trop prononcé pour lui. » L'adolescent s'exprimait lui-même avec l'accent caractéristique de Babel, qui était un mélange de musicalité et de distinction, Tout était douceur chez lui, ses yeux d'antilope, ses longs cheveux au noir soyeux, les traits fins de sa figure, jusqu'à l'étoffe satinée de ses habits. Ophélie le devançait probablement en âge, mais, en cet instant, elle se sentit comme une enfant devant lui. « J'ai perdu mon sac et mes papiers, » dit-elle d'une voix enrouée dont elle ne fut pas fière. « Je ne sais pas quoi faire. C'est la première fois que je viens à Babel. » L'adolescent se tourna malaisément sur son fauteuil et Ophélie fut à nouveau frappée par cette étrangeté indéfinissable qui se dégageait de lui. « Prenez ce boulevard, longez-le jusqu'au bout et traversez le pont, » dit-il en pointant vers l'est. « De là, vous apercevrez un très grand édifice qui ressemble à un phare. Une fois que vous l'aurez repéré, vous ne pourrez plus vous perdre. » « Et cet édifice, c'est quoi exactement ?» L'adolescent esquissa un sourire. « Le mémorial de Babel. C'est là-bas que s'est tenue la 22e exposition interfamiliale. C'est bien ce que vous demandiez au guide, n'est-ce pas ?»« Sorry, miss. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous écouter. Mon père dit que la curiosité est un joli défaut, mais j'ai toujours tendance à me mêler de ce qui ne me regarde pas. Et à trop parler aussi, » convint-il sur un ton d'excuse. « Mais je tiens cela aussi de mon père. Au sujet de votre sac, je suis persuadé que vous le retrouverez bientôt. L'honnêteté est un devoir civique sur Babel. » Ophélie fut envahie de gratitude. Ce jeune homme lui avait redonné tout son courage. « Merci, monsieur. Ambroise. Sans le monsieur, miss. » « Oh, Eulalie. Merci, Ambroise. Bonne chance, miss. » Il marqua une hésitation comme s'il voulait ajouter quelque chose, puis il se ravisa. Ophélie traversa le carrefour à contre-courant, sous les exclamations outragées des cyclistes et des pousse-pousse, mais elle ne put retenir un regard en arrière. Elle avait la sensation d'être passée à côté d'un détail important. Elle comprit ce que c'était, en voyant Ambroise manœuvrer péniblement son fauteuil. C'était un fauteuil roulant, et il s'était coincé entre les pavés. Ophélie revint aussitôt sur ses pas, provoquant une nouvelle vague de mécontentement, et s'appuya de tout son poids sur le fauteuil pour en dégager la roue. Ambroise leva vers elle un regard surpris, la croyant déjà loin. « C'est ridicule, » dit-il avec un petit rire embarrassé. « Je me prends au piège à chaque fois. C'est à cause de ça que je ne ferai jamais un bon taxi. » « Un taxi ?»« Un taco à siffler, miss. Tout ce qui peut rouler et prendre un passager, vous n'en avez pas chez vous ?» Comme Ophélie se contentait d'un hochement de tête évasif, Ambroise la considéra avec un regain de curiosité. « Je vous ai aidé, vous m'avez aidé. Nous sommes amis. » Cette déclaration fut si spontanée qu'Ophélie ne put s'empêcher de serrer la main qu'il lui tendait. Ce fut à cet instant précis qu'elle sut en quoi résidait l'étrangeté de cet adolescent. Il avait un bras gauche à la place du droit, un bras droit à la place du gauche, et à en juger par l'angle incongru de ses babouches, ses jambes étaient pareillement inversées. C'était le handicap le plus insolite qu'Ophélie avait jamais vu chez quelqu'un. À croire qu'Ambroise avait été lui aussi victime d'un accident de miroir. « Si vous voulez bien de moi comme chauffeur, Miss Eulalie, montez !» Il tourna une manivelle intégrée à son fauteuil, produisant un long cliquetis de rouage. Ophélie se jucha maladroitement sur le marchepied arrière et faillit en tomber dès qu'Ambroise baissa le frein à main, propulsant le fauteuil en avant. Elle sentit défiler sous elle tous les pavés de la route. À plusieurs reprises, il lui fallut mettre pied à terre et déloger elle-même les roues des malformations, pendant qu'Ambroise remontait les ressorts de son fauteuil à coups de manivelle. La grande ombrelle, mal fixée au dossier, grinçait bruyamment au gré du vent et recouvrait la voix douce d'Ambroise qui faisait la conversation. Ce fut un voyage plutôt inconfortable, mais Ophélie cessa d'y penser à la seconde où le fauteuil s'engagea sur un pont entre deux arches et qu'Ambroise lui désigna le lointain de sa main inversée. Entre l'infinité du ciel et la mer de nuages, une immense tour en spirale coiffée d'un dôme en verre se dressait sur un îlot flottant qui avait à peine la place de l'accueillir. Un versant entier de l'édifice débordait sur le vide, mais l'équilibre architectural était si parfait que l'ensemble tenait debout envers et contre tout. « Le mémorial de Babel, » commenta Ambroise, « c'est notre plus vieux monument, la moitié date de l'Ancien Monde. L'adage dit que toute la mémoire de l'humanité y repose. » « La mémoire de l'humanité, » répéta Ophélie en son fort intérieur. À la pensée que Thorn s'était peut-être rendu là-bas, elle sentit comme un tambour dans sa poitrine. Elle s'inclina par-dessus le dossier pour se faire entendre d'Ambroise, dont elle ne voyait que des ondulations de cheveux noirs. « La moitié seulement ?»« Une partie de la tour s'est effondrée avec la déchirure, mais elle a été reconstruite par Lux il y a des siècles. J'aime bien aller au mémorial. On y trouve des milliers d'ouvrages. Je raffole des livres, pas vous ? Je pourrais passer mes journées à en lire sur n'importe quel sujet. J'ai essayé d'en écrire une fois, mais je suis aussi pied-trotteur que taxi. Je me perds toujours dans des digressions. N'allez pas croire que le mémorial est une sorte de vieille bibliothèque poussiéreuse, Miss Eulalie. Il est à la pointe de la modernité avec des familiothèques, des transcendiums et des fantômes pneumatiques. Tout ça grâce à Lux. » Ophélie n'avait pas la plus petite idée de ce qu'étaient des familiothèques, des transcendiums et des fantômes pneumatiques, mais le mot « Lux » lui évoquait quelque chose. Elle se rappela alors que c'était celui qui était imprimé sur toutes les affiches publicitaires du tramway. « Et un soldat sans tête ?» demanda-t-elle. « Il y en a un ?» Ambroise releva son levier d'un coup sec, freinant si brutalement qu'Ophélie cogna sa tête contre la sienne. « Vous ne devriez pas employer ce mot en public, miss, » murmura-t-il en lui décochant un coup d'œil surpris par-dessus son épaule. « Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais nous avons un index ici. » « Un index ?»« L'index vocabulum prohibitorum, la liste de tous les mots qu'il est interdit de prononcer à voix haute, tout ce qui a un rapport avec, vous savez. » Ambroise fit signe à Ophélie de se pencher davantage pour lui chuchoter à l'oreille. « La guerre !» Ophélie se contracta de tous ses muscles. Ainsi, les tabous fixés par Dieu étaient aussi de rigueur sur Babel. « Je suppose que vous vouliez parler de la vieille statue à l'entrée du mémorial, » reprit Ambroise d'un ton plus léger en remettant son fauteuil en marche. Elle est aussi ancienne que le site. Et comment s'y rend-on? En tramoiseau, miss. Et avant qu'elle ne pût demander ce qu'était un tramoiseau, il enchaîna. Mais si vous voulez visiter le mémorial ou récupérer votre sac, il faudra d'abord vous changer. On ne vous laissera entrer nulle part dans cette tenue. Je ne comprends pas, dit Ophélie avec un froncement de sourcils. En quoi ma robe est-elle problématique? Ambroise éclata de rire. « Je vous invite chez moi, miss. Il y a deux ou trois choses qu'il faut que je vous explique. » Le domicile d'Ambroise ne ressemblait en rien à l'idée qu'Ophélie se serait faite de la maison d'un chauffeur de taxi. Le fauteuil roulant remonta un portique entre les colonnes duquel scintillaient des bassins de nénuphars. Plus il pénétrait dans le domaine, plus les bruits et les odeurs de la rue se faisaient lointains. Un bataillon de mannequins, en livrée de domestiques, vint à leur rencontre et leur ouvrit les hautes portes de la demeure. La fraîcheur qui régnait à l'intérieur arracha un soupir de bien-être à Ophélie. La peau de sa nuque, dégagée par sa nouvelle coupe de cheveux, était bouillante. Elle descendit du marchepied, puis posa un regard déconcerté sur l'atrium. Statues et automates, tables de marbre et appareils de téléphonie, plantes grimpantes et lampes électriques se côtoyaient dans un singulier assortiment de distinctions antiques et de technologies modernes. Cet endroit résumait à lui seul l'ambiance anachronique de toute la ville. « C'est ici que vous vivez ?»« Moi et mon père. Surtout moi, en fait. Mon père n'est pas souvent à la maison. » Se disant, Ambroise désigna un portrait en pied qui trônait sur le mur principal. Il représentait un homme doté de longs cheveux blancs et de petites besicles roses où pétillait un regard plein de malice. « C'est Lazarus, le fameux arche-trotteur ?» reconnut Ophélie. « Cet homme est votre père. Je l'ai rencontré une fois. » « Je ne suis pas surpris. Tout le monde connaît mon père, et mon père connaît tout le monde. » Elle nota qu'il y avait plus de mélancolie que de fierté dans le sourire qu'Ambroise destina au tableau. Il ne devait pas être facile de trouver sa place dans une vie aussi remplie que celle de ce père-là. « Et vous n'avez pas d'autres parents ici ?»« Ni proches, ni amis. Aucun qui ne soit un automate, du moins. » Ophélie observa les majordomes mécaniques qui étaient occupés à démonter, plutôt malhabilement, l'ombrelle du fauteuil roulant. Elle essaya de s'imaginer en train de grandir au milieu de ces corps sans visage dont les ventres laissaient parfois échapper un « la constance est la base des vertus » ou un « la tartine tombe toujours du côté qui est beurré ». J'ai dit à mon père que les dictons n'étaient pas du meilleur effet, soupira Ambroise. Mais il est têtu comme un dromadaire. Il est l'inventeur des automates de la cité, s'étonna Ophélie. Je savais qu'il les commercialisait, mais j'ignorais qu'il les avait conçus. C'est un sans-pouvoir, mais ce n'en est pas moins un génie. Mon père ne doit son statut de citoyen qu'à son seul mérite. Votre famille est sûrement très importante. Ambroise fronça les sourcils, comme s'il éprouvait des difficultés à comprendre Ophélie. C'est mon père qui est important, et encore. Il est loin de l'être autant que les lords de luxe. Mais pourquoi moi le serais-je? Je n'ai pas réussi à trouver mon utilité pour la cité. Je ne suis qu'un entretenu. Il avait prononcé ce mot avec une honte qui laissait assez clairement entendre combien c'était déshonorant. Il élança son fauteuil entre les colonnes intérieures et, avec un entrain forcé, continua à parler sans reprendre son souffle, comme s'il voulait remplir de sa voix les grands espaces vides de sa demeure. Avant d'être taxi, j'ai essayé toutes sortes de petits boulots qui se sont à chaque fois soldés par un échec. Je ne suis pas un manuel, voyez-vous. Même taper sur une machine à écrire est d'une atroce complexité pour moi. Je me dis souvent que si j'avais été un fils de Pollux, j'aurais au moins eu à ma disposition un sens surdéveloppé. Si là, maintenant, un bon génie me demandait ce que je voudrais être, je répondrais sans hésitation, un visionnaire. Ce doit être passionnant de voir des microbes à l'œil nu, vous ne pensez pas? Ou alors, un acoustique. C'est extraordinaire tout ce qu'on peut apprendre du monde qui nous entoure, rien qu'avec des ultrasons. Même être un olfactif, un tactile ou un gustatif ne m'aurait pas déplu, mais non. Il a fallu que je me retrouve avec les mains à l'envers. Mon père me répète sans arrêt que ma seule existence fait de moi quelqu'un de très important pour la cité. Il est bien le seul à le penser. Tandis qu'Ophélie suivait Ambroise, un peu étourdie par son bavardage, elle comprenait de moins en moins cette société où il était bien vu d'expulser une étrangère d'un tramway, mal vu de subvenir aux besoins de son enfant et indifférent à tout le monde qu'une jeune fille se rendît seule au domicile d'un jeune homme. Il lui semblait que ni le pôle, ni Anima, ni Emmanuel ne l'avaient réellement préparé à Babel. Ce monde répondait à des règles tout à fait différentes de celles qu'elle connaissait. Cette impression se mua en certitude lorsqu'Ambroise l'introduisit dans une élégante garde-robe et ouvrit les volets sculptés des armoires, adaptés à la hauteur de son fauteuil. Tous les habits impeccablement pliés étaient aussi blancs que ceux qu'il portait. « Ce que vous devez comprendre, Miss Lally, c'est qu'ici les gens sont exactement ce à quoi ils ressemblent. Nous avons, au même titre qu'un code civil et un code pénal, un code vestimentaire très strict. Mon père et moi-même, par exemple, sommes tenus par la loi de porter du blanc. C'est la non-couleur des sans-pouvoirs. Êtes-vous une sans-pouvoir? Je suis animiste, au huitième degré. ajouta Ophélie, avec une pensée pour le faux certificat d'identité qu'elle avait perdu. Au 8e degré. Avec un pouvoir familial aussi dilué, vous pourrez porter du blanc aussi. Vous êtes menue, mais je ne suis pas très grand non plus. Mes vêtements seront presque à votre taille. Parce qu'il sera moins choquant pour moi de porter des habits d'homme. Ambroise, qui était en train de déplier une longue tunique blanche, releva un regard interloqué vers Ophélie avant de se fendre d'un sourire en coin. « Excusez-moi, je ne suis pas comme mon père qui connaît les us et coutumes des autres arches. Nous ne faisons pas de différence entre les sexes ici. J'en déduis que chez vous, les hommes ne portent pas de tenue comme la vôtre. » Ophélie se fit violence pour ne pas imaginer Thorne en petite robe grise. « Non, effectivement. » C'est intéressant, cela étant, mais cela lit le principal problème avec votre robe est que son modèle ne figure pas dans notre code vestimentaire. Ne pas respecter ce code en public est interprété comme un acte de provocation, ce qui est évidemment très mal perçu. Ophélie haussa les sourcils. Elle n'aurait jamais imaginé que cette antiquité qui la boutonnait des chevilles jusqu'au menton la ferait un jour passer pour une mauvaise fille. La composition vestimentaire varie selon l'âge, la profession et l'état civil, poursuivit Ambroise en fouillant ses armoires. Les citoyens ne portent pas les mêmes couleurs que les non-citoyens, par exemple. Les non-citoyens ? Répéta Ophélie, qui se rappelait avoir lu un passage là-dessus dans son manuel géographique. Ce sont ceux qui vivent à Babel, mais qui ne descendent pas de Pollux. Ce n'est plus vraiment exact, dit Ambroise avec un sourire indulgent. Les fils de Pollux sont citoyens d'office, en effet. Ils peuvent voter, élire et être élus. Mais il est aussi possible de devenir citoyen par le mérite, comme mon père. Ça, c'est depuis que Babel a conclu des alliances commerciales avec les autres arches. Vous avez dû le remarquer dans la rue. Il y a plein de familles différentes qui vivent ici. Des florins, des totémistes, des cyclopéens, des alchimistes, des héliopolitains, des sans-pouvoirs. Des héliopolitains. Des sans-pouvoirs, ajouta-t-il du bout des lèvres cette fois. Nous sommes les filleules d'Hélène. Lady Hélène, n'ayant jamais pu avoir de descendance, elle est devenue la marraine attitrée de tous ceux qui ne sont pas des fils de Pollux. Elle sera aussi la vôtre, tant que vous resterez à Babel. Ophélie espérait bien que non. La dernière fois qu'elle avait été la pupille d'un esprit de famille, ça avait failli lui coûter la vie. Pour revenir à nos habits, dit Ambroise en se replongeant dans son armoire, vous devez comprendre que chaque ornement, chaque bijou, chaque accessoire ajoute des strates de signification très précises. C'est un langage à part entière. Si votre séjour à Babel doit se prolonger, je vous conseille de parfaitement le maîtriser pour éviter les malentendus. Prenez garde, la police vestimentaire effectue régulièrement des contrôles. Ophélie, qui s'était toujours affublée du premier vêtement lui tombant sous la main, devrait fournir de sérieux efforts si elle voulait se fondre dans le décor de Babel. Et que se passe-t-il si on s'habille différemment de ce qui est prévu par le code? On doit verser une amende à la cité. Plus l'infraction est grave, plus l'amende est lourde. Elle renversa la pile de vêtements qu'Ambroise avait amoncelée dans ses bras. Il était navrant de constater que, même sans avoir les mains à l'envers, elle était la plus maladroite des deux. « Restez chez moi pour la nuit, » proposa le chauffeur de taxi en voyant la lumière décliner à travers les croisées. « Nous nous mettrons à la recherche de votre sac à la première heure, demain matin. » « Et le mémorial? Ne serait-il pas possible d'y aller dès aujourd'hui ?» Ambroise ouvrit de grands yeux dont le blanc ressortit sur la surface sombre de sa peau. « Il sera fermé d'ici à ce qu'on soit sur place. Cet endroit a l'air de vous tenir vraiment à cœur. Que recherchez-vous exactement ?»« C'est personnel. » Ophélie se reprocha son impulsivité en voyant disparaître le sourire d'Ambroise. « Excusez mon indiscrétion. Veuillez me suivre, miss. Vous devez avoir envie de vous rafraîchir et de vous reposer. Avez-vous faim ? Accepteriez-vous de partager ma table ?» Ophélie ramassa les vêtements répandus sur le sol, puis releva les lunettes vers le fauteuil qui roulait déjà vers la porte dans un ronronnement mécanique. « Ambroise, Miss, pourquoi m'aidez-vous ?» Les roues du fauteuil s'immobilisèrent brusquement, crissant sur le marbre en damier, mais Ambroise ne se retourna pas. De là où elle se tenait, Ophélie put voir ses mains inversées se contracter sur les accoudoirs. « Parce que vous n'êtes pas un automate.